Comment dit-on « commençons » ? We start. No. À l'impératif, commençons, c'est... Let's start. Right, let's start. Ne commençons pas. Let's not start. Yes, let's not start. On commence, on va commencer. Shall we start? Good, shall we start, yes. Quand est-ce qu'on va commencer? When shall we start? Good, when shall we start, yes. Je commence maintenant. Shall I start now? Very good. Shall I start now? Voulez-vous que je commence? Do you want me to start? Right. Very good. Do you want me to start? Je voudrais que vous commenciez maintenant. I would like you... you to start now? Right. I would like you to start now. Et je voudrais que vous le donniez à lui. I would like you to give it to him. Very good. Very good. I would like you to give it to him. Yes. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'il le sache. I didn't want qu'il le sache, he to know it. Once more, I didn't want he? No, him. Ah, him to know it. Right, ah. Once more, je ne voulais pas qu'il le sache. I didn't want him to know it. Right, I didn't want him to know it. Je voulais qu'elle prépare tout. I wanted her to prepare all. To prepare everything. Ah oui, everything. Yes, I wanted her to prepare everything. Ou on peut dire aussi, I wanted her to have everything ready. To have everything ready. I wanted her to have everything ready. C'est-à-dire avoir tout prêt. I wanted her to have everything ready. Je voulais qu'elle s'arrange pour que tout soit prêt. I wanted her to have everything ready. Voulez-vous le faire réparer, s'il vous plaît? Would you like... Ça, c'est voudriez-vous. Voulez-vous... Oui. Do you want... Do you want, ça veut dire désirez-vous. Mm-hmm. Voulez-vous, s'il vous plaît? Voulez-vous... Will you... Yes, yes. Okay. Voulez-vous le faire réparer? Will you have... will you... Le faire? Will you have to do... Non, non, non, non. Voulez-vous le faire? Will you have it... Réparer. Après have, n'oubliez pas. Working. Réparer. Repair. Après avoir, il faut employer le participe passé. Ah, bien sûr. Repaired. Yes. Once more. Voulez-vous le faire réparer? Will you have it repaired? Right. Will you have it repaired? Ou bien, will you have it fixed? Attention, c'est un faux ami. Hein? Fixed, ça ressemble au mot fixé, mais ça ne veut pas dire fixé. Mm. Mm-hmm. Fixed, c'est dans le sens de réparer, réajuster. Mm-hmm. Alors, comment dites-vous? Voulez-vous le faire réparer, s'il vous plaît? Will you have it fixed, please? Right. Will you have it fixed, please? Or, will you have it repaired? Réparer se dit to repair or to fix. Will you have it fixed? Pour dire, vous voulez faire quelque chose, il faut employer have suivi du participe passé.